que tu existes. C'est fini sur la piste, je twiste. Dans la nuit, il y a du monde, je me faufile. Avec style, me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux. Rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala. Ce soir, je porte bien ma jupe noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous, je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader.